à cette conférence ayant pour titre « La maladie du siècle, le médiocrisme ». Veuillez noter que l'enregistrement audio sera disponible à la pause. Daniel, qu'est-ce que c'est le médiocrisme? C'est un mot. Qu'est-ce qu'il veut dire, le mot médiocrisme? Il veut dire humain. Est-ce que tous les humains sont médiocres ou se considèrent médiocres? Tous les animaux humains se considèrent médiocres ou encore ne le savent pas, mais se limitent énormément dans l'expression de ce qu'ils peuvent être. Alors que les quelques rares êtres humains qui habitent la planète, eux, sont à leur juste valeur. Qu'est-ce qu'on entend par le médiocrisme? Médiocrisme, c'est la faculté qu'a un ego d'interdire à son mental de travailler, de s'exprimer et d'interdire à sa compréhension du neuf de lui servir. Le médiocrisme, c'est la qualité qu'a un ego de se fier uniquement aux autres. Les autres peuvent prendre différents visages. Ça peut être l'éducation, c'est les autres qui sont passés avant. Ça peut être la tradition, même chose. Ça peut être le collectif, c'est-à-dire ce que la majorité des humains présents pensent. Donc, c'est encore une fois les autres. C'est l'opinion, c'est la mémoire, c'est le passé. Un médiocre, c'est un être humain qui n'est pas capable du tout de se fier à sa capacité de comprendre d'une façon neuve les choses neuves. De se faire confiance à lui-même. On ne peut pas se faire confiance parce qu'on n'est pas fiable. Ben à qui on peut faire confiance? Si on ne peut pas faire confiance aux autres, on serait médiocre. Si on ne se fait pas confiance à soi, on est... Non, l'anti-médiocrisme, ce n'est pas de se faire confiance. Il y a beaucoup d'individus qui se sentent médiocres et qui font confiance à leur ego. Faisant confiance à leur ego, ils savent très bien qu'ils sont médiocres et ils savent qu'ils ont raison. Alors, ils se font confiance énormément. Ils savent que ce sont des imbéciles et ils se faisant énormément confiance, bien, ils agissent en imbéciles. Alors, on ne peut pas faire confiance à un ego. Que ce soit notre ego, que ce soit l'ego d'un autre, on ne peut pas. Il reste médiocre quand même. Absolument. Dans la pratique, par contre, il y en a quelqu'un qui a, par exemple, un complexe de supériorité, il ne se considère pas comme étant médiocre. Ah, ben oui, bien sûr. Comment ça? Pourquoi avons-nous régulièrement besoin de se prouver? C'est parce qu'on est fondamentalement convaincu qu'on ne vaut rien. Alors, on a besoin de se prouver, de prouver aux autres qu'on est quelqu'un régulièrement. Le complexe de supériorité, c'est un complexe, c'est-à-dire que c'est une limitation que l'humain a. L'humain est totalement manipulé par le besoin de se prouver ou de prouver aux autres qu'il est quelque chose de plus grand ou de plus solide que ce que finalement il conçoit. Donc, le complexe de supériorité et de l'orgueil, comme le complexe d'infériorité et de l'orgueil, et dans les deux cas, c'est une expression du médiocrisme. Dans quel sens le complexe de l'infériorité et de l'orgueil? Ben, l'individu veut tellement avoir raison qu'il s'arrange pour avoir raison. Il reste inférieur. Il a tellement peur de manquer son coup, tellement peur qu'on lui dise non, tellement peur qu'on lui rie au nez, tellement peur qu'on lui ferme les portes, que finalement, il ne va nulle part, il ne parle à personne, il ne fait rien. Il est médiocre comme celui qui a un complexe de supériorité, qui continue à vendre alors qu'on a acheté. Voilà. Si on n'est pas médiocre, on est quoi? Un médium. Voyant. Ben oui. Est-ce que réaliste, ça serait l'opposé de médiocre? Non. Non. C'est très dangereux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réalistes. Ils savent qu'ils sont nés pour un petit pain. Mais, Quand on parle de maladie du siècle, effectivement, le médiocrisme, c'est un grand problème. C'est un problème qui a toujours habité l'humain. L'humain s'en est remis aux dieux, l'humain s'en est remis à des chefs, l'humain s'en est remis à des gouvernements, à des sauveurs, à des messies, à des maîtres, à des guides, à des avatars, à des prêtres. L'humain s'en remet à des diplômes ou à des diplômés, ce qui est encore pire. L'humain s'en remet à des traditions. L'humain s'en remet à ses parents, l'humain s'en remet à ses enfants, l'humain s'en remet à sa voisine. L'on s'en remet présentement même aux animaux. On appelle ça la zoothérapie. Bon. Là où l'humain échoue, on lâche les animaux. Bon, les animaux. Le médiocrisme, c'est une maladie dangereuse, et surtout que cette maladie, c'est un inhibiteur. C'est ce qui empêche l'intelligence supramentale de descendre dans la conscience de l'humain. C'est ce qui empêche l'intelligence active de descendre dans la conscience de l'humain. C'est ce qui empêche totalement l'humain de se libérer. Celui qui est alcoolique vit du médiocrisme. Et de peur de constater, de découvrir à quel point il est médiocre, alors il boit. Et c'est une condition qui est astrale. C'est évident que mentalement, un individu peut trouver non intelligent, stupide de boire, de consommer de l'alcool ou de consommer de la musique ou de la drogue, mais l'individu va continuer à le faire et c'est du médiocrisme. C'est une maladie extrêmement dangereuse. Pourquoi? Parce que le médiocrisme empêche l'humain de s'autoriser à être quelque chose d'autre. Et l'humain va vouloir être quelque chose de collectif. L'humain va avoir besoin d'idoles. L'humain va avoir besoin de schémas déjà préconçus de ce que Certains humains sont parvenus à être, alors ils se disent, si des humains sont parvenus à être comme ça, moi aussi. L'humain, souvent, même le médiocre va se dire, je suis pas pire qu'un autre. Ouais. Mais il se dit jamais, je suis à ma valeur. Il est pas pire qu'un autre. C'est tout. Ça veut dire que si quelqu'un est capable de se moucher avec seulement une main, eh bien, lui, se dira, moi aussi. Mais jamais il n'envisagera la possibilité de se moucher sans main. Ou de se faire moucher. L'humain qui se dit, je ne suis pas pire qu'un autre, est totalement médiocre. Il vise ce que les autres sont. Alors, si on a deux yeux et qu'on est dans un monde d'aveugles, lorsqu'on voit quelqu'un qui est borné, eh bien, on se dit, crée, mais je ne suis pas pire qu'un autre, c'est que l'on s'arrange voir avec un œil. Et puis là, on est bon, maudit. On est totalement médiocre. Est-ce que médiocre, dans ce sens-là, c'est l'équivalent d'être collectif? Bien, celui qui est collectif est médiocre. Il a besoin de la masse pour être quelqu'un. Est-ce que celui qui est médiocre, c'est collectif? Là, ben oui. Mais de toute façon, celui qui est médiocre n'a pas suffisamment de conscience intelligente, et celui qui n'a pas suffisamment de conscience intelligente est nécessairement collectif, parce qu'il n'est pas capable de supporter une intelligence qui lui serait la sienne. Mais ce n'est pas parce qu'il est médiocre qu'il est collectif, mais les médiocres sont collectifs. Est-ce que tu peux être anti-collectif ou non-collectif et ne pas être médiocre? Ben, anti-collectif, on ne peut pas être anti-collectif. Non-collectif. C'était pas collectif. Individuel. Individuel. Ou individualiste. C'est la conscience. Être individualiste sans être médiocre. La majorité des individualistes réels ne sont pas médiocres, sauf que je ne parle pas d'individualistes dans ce sens, des individus qui souffrent du complexe de supériorité, ou encore ceux qui disent que si on éliminerait de la surface de la planète tous les imbéciles, c'est-à-dire ceux qui font notre pain, ceux qui font nos souliers, ceux qui font notre linge, ceux qui font nos automobiles, ceux qui bâtissent nos maisons, ceux qui fournissent le pétrole, ceux qui s'occupent de l'électricité, si on éliminerait tous les imbéciles de la planète, on serait mieux. Bon, on fait encore référence au médiocrisme. L'individu est individualiste socialement. Il n'est pas individualiste dans sa conscience. L'individualité de conscience apparaît lorsqu'un être humain est relié par son ajusteur de pensée à de l'intelligence, à son esprit. Alors, il n'est pas individualiste social, il est individualiste dans sa conscience, c'est-à-dire que si tout le monde veut se nourrir convenablement, il se nourrit convenablement. C'est évident et logique, il n'est pas collectif. Ça se trouve que les autres font ce que lui fait. Ce n'est pas pareil. Mais lui, il ne fait pas ce que les autres font. Celui qui est médiocre, il fait confiance aux autres. Même pas. Celui qui est médiocre fait confiance à la médiocrité. Ben, il fait confiance à l'histoire, aux antécédents, à son docteur, à son dentiste, à son plombier, à son comptable. Il fait confiance. Il y a une certaine part de confiance qu'il va chercher ailleurs. Il n'a pas confiance en lui, mais il fait confiance aux autres. Puis s'il a confiance en lui, il ne peut pas être non médiocre. Les médiocres ont confiance en eux. C'est quoi avoir confiance en soi? Est-ce que c'est se positiviser, se motiver, se faire croire qu'on est capable de faire X, Y, Z? Mais ce n'est pas ça. Le médiocrisme ne se combat pas par le positivisme ou par la motivation. On ne motive que les médiocres. On a besoin de les remotiver régulièrement, ils sont médiocres. On ne rend positif que les médiocres, que les consciences médiocres. Mais un être humain qui n'est pas médiocre, c'est un être humain qui n'a pas besoin de motivation, qui n'a pas besoin de positivisation, c'est un être humain qui voit la réalité sans l'analyser. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de philosopher sur tout ce qu'il rencontre. Mais on ne motive que les médiocres. On n'a pas besoin de motiver quelqu'un qui n'est pas médiocre. Quelqu'un qui n'est pas médiocre, oui. Celui qui est médiocre a besoin de faire appel aux autres. Ben, il n'a pas le choix, il est médiocre. Bon, c'est un besoin. Il ne se considère pas lui-même comme étant assez brillant pour avoir trouvé la solution, être capable de réparer sa voiture tout seul. Il faut qu'il aille voir le mécanicien. Il ne se fait pas confiance, même si... C'est-à-dire qu'il ne fait pas confiance non plus intégralement aux autres. Habituellement, le médiocre, il y a des médiocres très, très médiocres qui ont une qualité dans le médiocrisme, alors qu'il y en a qui ont un médiocrisme médiocre, et ceux-là sont plus avancés. La majorité des médiocres ne font pas totalement confiance à leurs mécaniciens, ne font pas totalement confiance à leurs plombiers, à leurs comptables, etc. Et ils auront toujours un petit peu une crotte au cœur. Ils y sont peut-être fait avoir, etc. Mais ils ne s'en sortiront pas. Et ils ne feront pas confiance au gouvernement, même s'ils vont voter pour. Et ils ne feront pas confiance à la police. Ils ne feront confiance à personne. Mais ils préfèrent s'en remettre à autrui parce que, question d'honneur, quand même, si je fais installer un système d'alarme chez moi et que je me fais voler, ben, en tout cas, ce ne sera pas de ma faute. Ah, ils ne font pas nécessairement confiance à l'extérieur, mais ils aiment bien déléguer leurs problèmes. Mais qu'est-ce que ça leur donne qu'est-ce que ça donne à quelqu'un de cesser d'être médiocre? Si tout le monde l'est, si tout le monde est collectif, tout le monde a besoin des autres, on a besoin, comme on disait tantôt, du mécanicien, de celui qui fait le pain, de celui qui bâtit la maison, tout ça. Qu'est-ce que ça donne de devenir individuel? Ce n'est pas de devenir individuel qu'il faut chercher. Être individualiste dans sa conscience, c'est un critère, c'est un symptôme qui apparaît dans l'évolution de l'homme, de la femme ou de l'enfant nouveau. On n'a pas besoin de devenir individuel, mais nécessairement, on le deviendra. Par contre, le médiocrisme, c'est un facteur de l'ego qui permet à cet égo d'opposer une grande quantité d'énergie au mental, ce qui empêche totalement l'humain de devenir efficace. Qu'est-ce que ça veut dire de devenir efficace? Ça veut dire qu'au lieu d'évoluer à coup de génération ou de réincarnation, si l'être humain s'assurerait d'être médiocre, si l'être humain considérerait qu'il est libre de faire et de réussir à peu près n'importe quoi, nécessairement, lorsque l'être humain ne réussira pas, c'est uniquement parce que cet événement n'avait pas à être réussi par lui. Mais l'humain, dans son médiocrité, c'est un grand facteur qui oblige les événements à ne pas aboutir. L'humain qui ne serait pas médiocre est un humain qui serait capable d'évoluer. À chaque année, il gagnerait une vie d'évolution sur la majorité des médiocres. C'est-à-dire qu'en 50 ans, il aurait vécu 50 ans, 50 vies. Pour la simple raison qu'à chaque fois que l'humain apprend quelque chose, je travaille présentement avec des personnes qui s'instruisent, qu'ils apprennent des moyens de fonctionner, des techniques de communication, et lorsque c'est le temps de les mettre en application, leur ego ne veut pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils pénètrent dans une bâtisse, ils ont subitement l'impression qu'ils sont des imbéciles, qu'ils sont des tartes, que les personnes qu'ils rencontrent vont s'en rendre compte immédiatement que c'est la première fois qu'ils sont là. Alors que ceux qui sont à rencontrer, si tu leur dis que ça fait 20 ans que tu es en affaire, ils vont te croire. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que lorsque le mental apprend certaines choses, il y a beaucoup de personnes qui ont accès à me rencontrer ou à m'interviewer, et lorsque c'est le temps, ils ne peuvent pas dire un seul mot. L'ego ne veut rien savoir. Bon, il y a des individus qui ne peuvent, la majorité des humains sur la planète ne peuvent progresser rapidement parce qu'ils ne s'autorisent pas. Et qu'est-ce que c'est s'autoriser? C'est pas se positiviser. Se positiviser, c'est un palliatif intéressant en ce sens que c'est une reprogrammation de l'imbécile, de l'ego, de celui qui est médiocre. On lui fait à croire qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il est bon. La problématique, c'est que ce n'est pas réglé par du mental. Alors, lorsque un être humain a vécu du positif pendant 2, 3, 4, 10 ans, il se lance dans un argument, dans un événement, qui ne peut aboutir. Et parce qu'il est positif, tout va marcher. Il se casse la gueule, et par la suite, il remet en question le positivisme, au lieu de remettre en question sa direction de vie. Il a frappé sur un mur. Il y a beau être positif, tu peux ouvrir les portes quand tu es positif, pas les murs. Mais alors, il faut que l'individu vise convenablement. L'individu qui n'est pas médiocre est un individu qui, malgré que de temps en temps, il découvre que la société ou que la vie, que l'événement est bâti de trous, de portes et de murs, lorsqu'il découvre qu'il y a des murs, il ne pense pas que c'est lui. Il se rend compte, il y a un mur là, donc ça ne se fait pas, ça ne passe pas. Ça va passer par une autre chose ou j'aurai d'autres choses à faire. Mais il ne se remet pas en question. Ne se remettant pas en question, lorsqu'il découvre, lorsqu'il apprend de nouvelles techniques, il les applique. Mais est-ce que c'est pas aussi d'être défaitiste à un certain point? Parce que s'il y a un mur, ça se défonce. Ça veut dire que c'est les positifs qui disent ça, mais peut-être qu'en pratique, ça se fait aussi. Est-ce que, oui, on peut effectivement défoncer un mur, on peut aussi passer par la porte, ça dépend des philosophies. Ah, mais si c'est plus long, faire le tour, passer par la porte, il y en a peut-être qui font... Est-ce qu'il y a réellement des murs? Et maintenant, je t'appelle Provencher, tu te connais, c'est un Québécois. Il explique, lui, il a vécu dans le bois, il a écrit un paquet de livres sur les coureurs des bois. Et il explique que quand vous rencontrez une montagne, vous pouvez la monter et la descendre. C'est plus court. Si vous voulez marcher loin et longtemps, faites-en le tour. C'est plus long. Mais tu vas arriver bien avant l'autre, tu vas s'épuiser à monter avec son bagage, etc. Défoncer les murs, c'est pour les imbéciles. C'est pour les médiocres, c'est pour ceux qui vivent de l'évolution lunaire, ceux qui ont besoin de quelque chose de méritoire. Moi, j'ai réussi à défoncer un mur indéfonçable. Je suis génial. Ben oui, c'est intéressant. Alors qu'il y en a d'autres qui traversent, ils prennent l'automobile, ils attendent que le mur se déplace vers eux, ils ne travaillent pas. Et bien souvent, c'est une question d'idée, on peut se dire, parce que j'ai travaillé, j'ai réussi. Mais il y en a d'autres qui ne travaillent pas, qui réussissent aussi bien que toi. Alors non, c'est une farce. On n'a pas besoin de défoncer les murs, on n'a qu'à trouver les portes. La problématique, c'est que si celui qui est médiocre veut se convaincre qu'il ne l'est pas, il doit avoir des preuves, l'évolution méritoire. Si celui qui n'est pas médiocre fonctionne, il n'a pas besoin de se convaincre, il se fout de tout, il attend et ça marche. Est-ce que le médiocrisme aide ou empêche de trouver les portes? Le médiocrisme, bon, ben, tu peux trouver des portes par hasard, tu peux ne pas trouver des portes. Mais là, tu n'as pas trouvé des portes, les portes sont arrivées en avant par hasard, justement. Oui, mais le médiocre, de toute façon, lorsque moi je rencontre un médiocre et que je lui dis, sais-tu que ce que tu as fait, c'est bon? Merci. Il pense que c'est un compliment! Il est tout content, il me remercie de lui donner de l'énergie, du positivisme, de la motivation. Quel imbécile! Je lui dis que ce qu'il a fait, c'est correct. Et merci. C'est ça, le médiocrisme. Alors, l'individu, c'est toujours la même affaire. Il a continuellement besoin. C'est lui qui défonce les murs, c'est pourquoi? C'est pour que ça paraisse quelque part. Parce que même veux-tu qu'il sache qu'il est bon? Mais c'est même pas question d'être bon, c'est cesser de penser qu'on est des andouilles. Il y a des personnes qui me disent, oui, mais écoute bien, il y en a d'autres qui ont essayé avant nous autres. Ben, je vois pas le rapport. Moi, je ne vois pas le rapport du tout. Mais pour eux, c'est déjà quelque chose qui est très important. On ne peut pas. Qui on est pour réussir mieux que Machin Chouette? Mais Machin Chouette était tellement imbécile qu'il s'est jamais rendu compte qu'il était médiocre. Alors, ça lui a permis de devenir directeur d'un empire. Alors que nous sommes conscients de tellement de choses en évolution de la conscience, dans la psychologie, nous sommes conscients des manipulations, de l'ego, du non-libre-arbitre, de l'astral, du charriage, de la sécrétion, qu'on ne peut rien faire. Tu rentres dans une école, tu rentres dans une bâtisse, tu rentres dans une grosse compagnie, tu rentres n'importe où pour aller rencontrer des têtes, des dirigeants, des dirigeantes, et tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu commences à sécréter, tu le sais. Tandis que le vendeur qui rentre là-bas, il sécrète, il ne sait même pas, lui, il s'essuie le front, il se met des Kleenex sur les bras pour que la chemise ne paraisse trop, et puis il rentre. Lui, oh, c'est un gagnant, c'est un vainqueur, c'est un quelqu'un. Puis toi, t'es là, puis t'analyses tout ce qui t'arrive, puis tu te dis, moi, je suis rien pantoute. Puis surtout que l'autre, il sécrète pas, mais non, l'autre, il est dans son terrain. Est-ce que c'est pas pire, justement, d'être en conscientisation? Mais non, c'est pas pire, c'est mieux. Ben, dans le résultat concret du travail, c'est peut-être pas mieux. Le travail, on s'en fout, parce que c'est la vie qui est le travail, t'as besoin quand même de vivre. Ah, t'as besoin de vivre aussi. On vit l'évolution, on doit l'analyser sur 500 années. Bon, pour moi, c'est réincarné 5 fois dans le lot. Ou 4 fois, ceux qui vivent longtemps, que moi. Mais à quoi ça te sert de réussir pendant un an ou deux ou trois ans ton travail, de faire des ventes extraordinaires, astronomiques, pour une fois rendu riche, te rendre compte que toute énergie que tu as perdue est irrécupérable? Mais à quoi ça sert de se conscientiser puis de ne pas être capable de rentrer? Absolument rien, tu ne peux pas te conscientiser. Tu te réveilles en train de te conscientiser, tu te poses des questions, tu souffres un peu plus, tu chiales, tu te ramasses aux conférences que je donne, et puis tu voilà, c'est tout. Mais quand tu es conscient justement de toute la mécanique de ce qui arrive, à certains moments, tu rencontres un client puis tu te dis, est-ce que ça m'arrive à moi pour me faire un peu plus, pour que je conscientise plus vite? Pourquoi qu'on a le soupçon, le doute tout le temps quand tu rencontres un client ou un acheteur ou un vendeur, que tu as le doute que l'astral te joue des tours? Parce que c'est vrai. Puis avant, tu ne le savais pas. Là, maintenant, tu le sais. Mais est-ce que parce que tu le sais, ça t'arrive plus souvent qu'avant? Mais non, maintenant que tu le sais, évidemment, tu es plus manipulable dans ce sens-là. C'est-à-dire que maintenant que tu le sais, au lieu d'en rire, tu empires les choses. L'individu, il rentre. Et puis, bon, dernièrement, j'en ai un qui est allé faire un tour. Il rentre dans une compagnie. C'est la première fois. Son ego l'autorisait juste à se présenter là. Alors, il met un peu sa cravate croche. Parce qu'il faut quand même qu'il ne soit pas trop parfait. Parce que son immédiat, il ne peut pas être parfait. Il faut que quelque chose cloche. Il faut qu'il puisse se dire, vu que ça ne marchera pas, vu que ça n'a pas marché, c'est à cause de ceci, cela ou cela. C'est ça le médiocre. Alors il rentre là, il fait le tour de l'usine, il visite tout seul, il ne rencontre pas personne. Quand il finit de visiter, ben là il ressort. Mais c'est pas ça qu'il fallait qu'il fasse, c'était pas une visite, il fallait qu'il rencontre quelqu'un. Et puis quelques heures après, ben là il retourne. Et puis là, il s'est déjà un peu plus chez lui. Alors il sait où il fait la toilette, il vérifie si c'est encore là. Il vérifie si les escaliers sont encore à la bonne place, les ascenseurs fonctionnent bien. Et puis, à un moment donné, il est sur le pas de la porte, et puis là, il se demande. Enfin, l'ego lui dit, on va voir un film. Qu'est-ce qu'on fait? Le mental lui dit, ben, c'est pas mal, tu vas payer tes films. Et puis, à un moment donné, ben, là, il pénètre, il rentre, et après ça, le média qui vient me rencontrer, il dit, ça a été mieux que je pensais. C'est ça, les médiocristes sur la planète. Tous les humains sont médiocres. On fait la 99,999. Il y a un humain sur un milliard qui n'est pas trop pire. Mais celui qui n'était pas encore venu au monde. Il y en a des bons vendeurs, qui sont des bons vendeurs d'après ce qu'on entend comme règle générale, qui vont gagner leur vie de façon exceptionnelle. Ils sont médiocres énormément. C'est pas le résultat qui fait que tu n'es pas médiocre. Mais ça ne les dérange pas bien d'être médiocre. Ils sont assis sur bord de la piscine à Miami pendant qu'on parle de ça. Ça les dérange. Comment ça les dérange? S'ils ne sont pas conscients qu'ils sont médiocres, ils s'en foutent. Ils gagnent leur vie, ils ont de la Rolls Royce à porte, il n'y en a pas de problème. Non, ils sont toujours en compétition. Il est où leur problème? Eux autres, si tu regarderas leur canaux sanguins, donc leur vaisseau, les artères et les veines, tu regarderas l'état de leur cœur, l'état de leur estomac, la quantité de médicaments qu'ils prennent, la quantité de problèmes qu'ils ont avec leur entourage, leur famille, les stress qu'ils ont, les compétitions régulières, les journées qu'ils ne dorment pas à se demander si demain ils vont être capables d'aller vendre encore. Oh, ils sont médiocres énormément. Et en plus, ce qui va arriver, c'est qu'on ne parle pas juste de l'efficacité au niveau du travail. Le médiocrisme, ça n'empêche pas un individu de vivre. Ça l'empêche de comprendre, ça l'empêche d'évoluer, ça l'empêche de se libérer. C'est bien plus important que de gagner sa vie. Gagner sa vie, c'est quoi? Dans le contexte de l'humain, gagner sa vie, tu n'en mérites même pas. Gagner sa vie, c'est quoi? C'est simplement paraître bien aux yeux de tout le monde. Gagner la possibilité d'être accepté dans la société. Ben, il gagne sa vie. Mais il faut qu'il gagne sa vie. On n'a pas le choix dans un monde capitaliste, à moins de décider d'être du bien-être social, puis encore, on ne peut même pas décider, on n'a pas de bras de bite. On n'a pas le choix, à un moment donné, on a des responsabilités financières. Il faut être capable de travailler, il faut être capable de produire. Qu'on produise, qu'on fabrique des verres, qu'on fabrique des micros, ou qu'on vende de la soupe, il faut qu'on soit capable de produire. Les micros, c'est une bonne chose. Encore, il faut les fabriquer, il faut les vendre aussi. Ça prend quelqu'un qui est capable de donner un résultat concret. Si, pendant qu'on est en phase de conscientisation, à tous les jours où nous arrivent des problèmes, qu'on se dit « c'est dû à l'astral, c'est parce que je me conscientise, c'est parce que avant j'en étais pas conscient. » C'est qu'on ne devrait pas se dire ça, c'est vrai que c'est ça. On ne devrait pas se le dire. Et que ça donnerait de ne pas se le dire? Ça arrêterait-tu? Ça donne de se le dire. Ben, au moins tu dis… ça donne comme tu disais tantôt, tu dis « médiocre, je suis d'accord ». Ça donne une défaite. Voilà. Je n'ai pas gagné à cause de ça. Donc, tu cherches la raison, tu l'as trouvée. Tu en as trouvé une, en tout cas. Ça ne veut pas dire que c'est la vraie, mais tu en as identifié une. Mais comment fais-tu pour arrêter ça? Bien, il faut essayer d'être médiocre. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien simple. Regarde. Je fais une réunion avec des personnes et puis là, je décide qu'on va régler certaines petites choses. Je connais des personnes qui ne sont pas trop médiocres autour de moi et ces personnes-là vont agir immédiatement, d'une façon très, très, très, très simpliste, qui, pour la majorité des humains, des médiocres, semble inajustée. Normalement, si j'ai un peu de moutarde sur ma cravate, étant donné que je suis un être humain médiocre et que tu es un être humain médiocre, on s'est entendu pour ne pas trop souffrir de notre médiocrisme. Et si tu veux me le faire remarquer, tu vas passer par un paquet de petits détours, de voix, etc. Sauf si tu es mon grand, grand, grand ami, mais tu ne me le diras pas en public non plus, que ça peut foutre le public, il l'a tout vu que tu avais une tache de moutarde, tu peux bien dire en public. Alors, on a codifié certaines choses. Un être humain, pour ne pas devenir médiocre, il faut s'autoriser. Et ça, c'est extrêmement important. Et on peut même programmer son ego à nous autoriser à... Parce que ce que l'être humain exprime, c'est son ego. L'être humain n'exprime à peu près jamais son mental. Bon, je connais un bonhomme qui est directeur d'une grande, grande, grande chaîne d'imprimerie. Et le bonhomme, lorsqu'il rentre à son bureau, c'est un être humain mental. Mais le bonhomme, c'est un ancien alcoolique. Donc, c'est un ancien médiocre. Mais lorsqu'il sort du bureau, il est aussi médiocre qu'avant de rentrer. Mais lorsqu'il est dans le bureau, il n'est plus médiocre. Pourquoi? Parce qu'il est branché uniquement sur son plan mental. Il n'a pas à s'autoriser, l'ego ne rentre pas. Alors, il fait des fortunes, c'est un des hommes les plus riches qu'on a au Québec. Mais lorsqu'il sort, lorsqu'il laisse son mental à son bureau, lorsqu'il rentre dans son automobile, puis lorsqu'il rentre chez lui, alors là, c'est plus le même, non? Il a besoin d'individus pour aller têter de l'énergie, pour leur parler, pour ci, pour ça. Et personne ne pourrait s'imaginer qu'un tel bonhomme, comme tu disais tout à l'heure, le vendeur avec sa Rolls-Royce sur le bord de sa piscine. Ah ben c'est ça. Quand il est sur le bord de sa piscine, là, il y a un médiocrisme confortable, mais c'est un être humain médiocre. Mais pourquoi il n'est pas capable de faire la même chose qu'il fait au travail, c'est-à-dire laisser son ego de côté? S'il fait... Parce qu'il ne contrôle rien. Lorsqu'il rentre à son travail, il se fait posséder par des entités qui fait qu'il devient l'homme d'affaires qui réussit. Mais lorsqu'il sort, il est fait. Bon, l'être humain... Dans la conscientisation, le médiocrisme a toujours habité l'humain. Ça l'habite l'humain régulièrement. Vous avez juste à aller voir dans les pays sous-développés, ils n'en souffrent pas trop. Mais on interviewe quelqu'un dans un pays sous-développé, c'est tout. Souvent, en train de se cacher le visage, ça rit régulièrement. Tout le monde. Alors moi, je rentre dans un village, que ce soit au Pérou, que ce soit en Amazonie, que ce soit dans le Pétain au Guatemala, bon, n'importe où. Plus c'est sous-développé, plus c'est une vraie farce leur affaire. Je suis en train de rire. Alors, tu dis bonjour à quelqu'un, tu dis bonjour à une personne, puis ils sont cinq, ils partent te rire. Puis ça se cache, ça rit tout le temps. Parce qu'il est touriste. Non, parce que c'est médiocre, ils rient d'eux autres. Ils rient pas de moi, faites-en pas, je le sais. Plus on avance dans la civilisation, plus le médiocrisme est caché. Alors, à un moment donné, on va fumer une cigarette. On fume une cigarette, mais on se camoufle derrière la boucane. On n'en fait pas assez, puis on se voit encore, mais quand même. C'est ce qu'on fait. On se camoufle derrière la boisson. On mange, on occupe notre... Pourquoi il y a beaucoup de réunions d'affaires qui se font autour d'une table? Moi, je déteste ça. On perd à 7 ans à faire des réunions d'affaires, à jaser de si le steak est bon, le steak n'est pas bon, mange tes patates, veux-tu ci, veux-tu ça? Qui paye? Surtout ça. Mais je déteste. Pourquoi? Parce que, premièrement, l'individu qui est en face de moi, c'est un vrai traquenard, son affaire. Il est tellement insécure qu'il doit occuper la majorité de son ego par la gustation d'aliments pour pouvoir être un peu plus libre pour commencer à parler. Mais quand il ne mangera plus, il peut changer d'idée. Et on perd un temps astronomique. Alors, l'être humain, même si l'être humain réussit, plus on avance dans une société qui semble réussir, on découvre encore de l'être humain médiocre. Les sectes fonctionnent, les religions fonctionnent, les psychiatres fonctionnent, les psychologues fonctionnent, les thérapies de groupe, les thérapies conjugales, ça fonctionne, les couples ne fonctionnent pas. Les livres, ça se vend, les conférences comme les miennes, ça fonctionne. Le médiocrisme, c'est toujours habite l'humain. La problématique, c'est que Kant, l'humain n'en souffre pas trop, mais ça le freine. Mais dans le cas d'un humain qui se conscientise, le médiocrisme finit par devenir plus, de plus en plus perceptible. L'humain ne perçoit pas nécessairement qu'il ne se dira pas « je suis médiocre ». Mais l'humain va toujours remettre ce qui lui arrive sur le dos de l'astral. Ah oui, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi si? Pourquoi ça? Je suis tout manipulé, il me fait charrier. Ah, je me contrôle pas, c'était écœurant ces temps-ci, comment que je me fais? Ben oui. Avant, l'humain ne chiolait pas, mais il était le même bonhomme, la même bonne femme. Il était toujours aussi petit, aussi en dessous, mais il n'y a pas de raison à donner. Maintenant qu'il a découvert les raisons, et ces raisons sont réelles, mais qu'il cesse de s'en vanter, puis qu'il commence à faire quelque chose d'autre. Et c'est quoi faire quelque chose d'autre? On connaît la mécanique, mais tu ramasses le bonhomme, tu ramasses la bonne femme, puis tu passes. Ça veut dire quoi? On fait une réunion, par exemple, et puis on est plusieurs personnes. C'est un exemple que je donne. Ça peut être une réunion familiale, une réunion de ce qu'on voudra. Si je ne suis pas médiocre, eh bien, je pose une question, comme j'ai fait dernièrement. C'est, bon, est-ce que tu as des problèmes financiers? À la personne, bien, d'autres questions? Oui? Bon. Quelqu'un qui n'est pas médiocre, c'est une personne qui ne conçoit pas de devoir continuellement faire 150 détours pour venir à son but, mais qui est capable d'ajuster sa voix, ses mots, son nom de forme, pour ne pas donner l'impression que c'est un coup de poing en plein visage de l'autre qui vient lancer. Donc, il sera capable de traverser indirectement. C'est comme si les portes se créeraient à travers les murs, mais il n'y a pas besoin de défoncer le mur. Pourquoi? Parce qu'il ne conçoit pas qu'il ne peut pas être convenable. Un être humain qui décide, et c'est risqué, évidemment, parce que fiez-vous à l'astral, fiez-vous sur l'ego. L'être humain qui décide de ne pas être médiocre, c'est un être humain qui, à un moment donné, aura l'impression qu'il peut guérir son voisin, guérir quelqu'un qui est malade dans son entourage, et qui va y aller, puis qui va s'essayer. Tu as une fracture du bras, alors moi, je vais arriver, je dis, tiens, je vais te la guérir. Je te dis ça comme ça. Mais si ça ne fonctionne pas, ben c'est ça. C'est vrai, ça ne fonctionne pas. Devenons médiocre, et là, on va dire, ouais, fracture du bras. Et puis là, on se met deux mains dans les poches pour être sûr que notre main n'ira pas tendancieusement vouloir magnétiser la tienne. Et puis là, dedans, ben là, on se demande si on le fait ou si on le fait pas. Et puis là, on sait que l'astral qui nous charrie, là, on commence à être un peu mieux, c'est pas notre faute, c'est l'astral. C'est vrai que c'est l'astral, c'est vrai que c'est l'ego. Mais 95% de notre constitution s'en est. Bref, c'est nous autres, hein, problème. Alors que normalement, ce qu'on devrait faire, simplement, c'est, tiens, m'a te la guérir. Puis après 15-20 minutes de, ah, ben le médiocre avec, évidemment, il va te dire, tiens, m'a te la guérir. Bon, es-tu guéri? Non, ah, pourtant, ça marche avec d'autres. Et il s'essaye 30 secondes, tu sais, parce que... Tant qu'elle se rend compte que ça ne fonctionne pas, mieux vaut le faire en 30 secondes qu'au bout d'une demi-heure. Mais est-ce que c'est pas parce qu'il y aurait plus de problèmes si ça fonctionnait? Non! Il ramasserait ben, un paquet de karma. Ça, on peut chercher bien des raisons en arrière de ce que ça ne fonctionne pas. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi l'astral, pourquoi n'importe qui nous influence à ne pas le faire? Ben, c'est simple. Pourquoi devrions-nous devenir notre seul maître? Ben, tous nos maîtres, toute la gang de particules en haut qui nous maîtrisent, qui nous manipulent et qui se nourrissent de nos émotions. Mais la boucherie elle va être fermée à un moment donné. Ils pourront plus se nourrir de nous. Alors, nécessairement, ils vont donner des raisons. Moi, si je te guéris ton bras, est-ce qu'une fracture du bras va m'apparaître ici deux jours après? Non. Par contre, c'est évident que si je deviens le guérisseur public, ben à la longue, je ne connais pas l'effet de retour, je vais finir par mourir des maladies de ceux que j'aurais guéri. Ça prend quand même quelques années. Mais si j'ai un mental, si toi, tu as le bras brisé et j'ai besoin de toi pour faire quelque chose, pourquoi je ne tenterai pas de te guérir? Pas en disant, gars, on va faire un essai. Médiocre. On ne fait pas un essai, je vais te guérir. D'accord avec moi? Eh oui, bon. Alors, je te magnétise pendant une demi-heure, ça va fonctionner. Bon, ben tant pis, mets-toi un plat. T'es dedans, on s'en va. La seule affaire qu'il y a, c'est que je ne suis pas un médiocre. Et mon ego autorise mon mental à faire des choses. Là, vous allez dire, oui, mais ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas dit que celui qui n'était pas médiocre réussissait tout. Si toi, tu n'as pas à guérir, je te guérirai certainement pas. Mais par contre, si effectivement l'accident est une mécanique astrale, qu'il n'y a pas de limitation au niveau d'événements, à savoir que tu as le bras brisé ou non, possiblement que je peux te le guérir en dedans d'une demi-heure. Mais s'il n'y a pas de limitation astrale, puis s'il devait guérir, il n'aurait pas guéri tout seul? Oui. Alors, il t'a rien fait. 3-4 mois. Ton ego ne s'autorisera jamais à ce que ton bras guérisse tout de suite. Voyons donc, c'est pas standard. Si on regarde la tradition, les imbéciles, ça le prend des mois et des mois. Puis dans le passé, on guérissait tout croche. Alors, on n'est pas pour guérir comme ça d'une claque. Qu'est-ce que mon ego va dire? L'humain ne s'autorise pas. Et qu'est-ce que je veux dire par ne pas s'autoriser? C'est qu'on ne laisse pas libre cours à certaines formes d'impulsions totalement instantanées, on peut presque dire infantile, qui nous permettrait de temps en temps de se risquer dans la vie vers le neuf. On ne réussira pas tout, mais si on s'en balance, l'idée n'est pas de réussir. C'est ça que l'humain doit se rentrer dans la tête. L'humain, il dit, oui, mais en étant médiocre, là, tout, ben, disons, 20% de ce que j'entreprends, ça fonctionne. C'est sûr, tu entreprends 3 choses par année, fait que c'est pas trop pire. Sauf que si tu gardes le même pourcentage, puis que tu entreprends 10 000 choses par jour, il y aura encore 20% qui va réussir. Oui, mais la quantité astronomique d'échecs, mais les échecs, il n'y en a pas, les échecs, il n'y en a pas. Il y a 25 verres sur la table, il y en a un seul qui n'est pas collé, tu peux boire avec. Puis tu dis, bon, ben, il y a lequel, tu sais, puis 2 ans après, ben, t'en essayes un, puis je savais, moi, je suis le même, je savais. Et le gars qui n'est pas médiocre, là, ben, il en essaye, il y va. Puis juste assez coordonné pour essayer, pour pas essayer 4 fois le même, tu sais, quand même. Et puis, il m'a donné le ramasse, puis c'est fini là. Oui, mais t'as eu bien plus d'échecs. C'est quoi, les échecs? Mais ça, c'est d'être médiocre pareil. Si t'es obligé d'enlever 12 ou 14 ou 15 non. Avant d'enlever le bon. Non. Si t'étais capable d'arriver et dire c'est lui, c'est oui. Bon. Oui, c'est pas d'être médiocre. Ben, c'est d'être travaillant puis méritoire. T'en as enlevé 14, 15, 16, 17 avant d'arriver au bon. Non, ce n'est pas être médiocre. Pourquoi? Parce que toi, ce que tu considères, et c'est d'ailleurs sans doute un facteur énorme du positivisme, c'est que ne pas être médiocre, c'est celui qui réussit. Alors que je te dis que ne pas être médiocre, ce n'est pas celui qui réussit, c'est celui qui a un ego qui autorise son mental à être. C'est évident que dans pas grand temps, tu vas ramasser le bon verre. Sauf que pour ramasser le bon verre, avant d'en arriver à ramasser le bon verre, il faut que tu commences par être capable de monter sur la table debout. Es-tu capable de monter sur la table debout devant tout le monde et dire, voilà, je suis sur la table debout devant tout le monde? Mais si tu es capable, tu n'es sans doute pas médiocre. Mais il y a des paquets qui vont le faire, c'est des imbéciles. Quand ils le font simplement pour se prouver que, pour prouver que ci, que ça. Ils ne rentrent pas dans ce que je te parle. Alors, tu as un paquet de verres là-bas, c'est évident, c'est comme je te dis, je vais essayer de te guérir. Si ça réussit, tu vas dire, hey, ça, c'est pas un gars médiocre, ça, c'est un génie, ça, c'est. Tu ne mens pas. Parce que le 2 jours après, j'en rencontre un autre, je viens pour le guérir, ça ne fonctionne pas. Ah, ben tiens, c'est bizarre. D'abord, c'est un coup de chance qu'il y avait eu avant. Pourquoi c'est pas un coup de malchance qu'il y a eu là? Non, on est médiocre, c'est un coup de chance qu'il y avait eu avant. On revient toujours au problème de ne pas savoir si c'est comme tu disais tantôt l'exemple de la table. Il y en a qui vont monter dessus, c'est des imbéciles, puis celui qui n'est pas capable de monter, c'est un imbécile pareil. Non. Le fait secret, c'est la sécrétion. Si tu ne sécrètes pas en montant, t'es correct. Mais si tu ne sécrètes pas sans monter non plus, tu dis oui, je suis capable, mais je ne monterai pas. Oui. Maintenant, bon. Si on dit simplement, est-ce qu'on fait une vérification d'ego pour le plaisir? Non, on n'en fait pas. Ouais, mais possiblement. Là, les questions commencent à circuler dans ce temps-là. Là, tu dis, est-ce que c'est l'astral qui m'empêche de monter? Mais oui, c'est l'astral. Oui, bien, bon, mais qu'est-ce que ça dérange? Ça dérange simplement que si l'astral t'empêche de monter, la journée qu'il faudra que tu ailles acheter un billet de loterie, te tourner 4 fois autour de la guérite avant d'y aller, la journée qu'il faudra que tu te trouves un emploi, tu vas arriver sur le seuil d'entrée, puis les briques sont trop sales, les briques sont trop propres, c'est la même maudite affaire. La journée qu'il faudra que tu règles un problème avec un individu, ce sera la même affaire. La journée que tu vas simplement avoir une vision neuve du monde, ben, je vais la racheter immédiatement pareil. Tout ça parce que tu n'es pas capable de monter sur une table. L'intelligence ne peut pas se mettre à table, hein? Chez toi, parce que ton ego ne veut pas. C'est la même chose. Mais pour arrêter d'être médiocre, il faut être capable de percevoir la différence entre quand on est influencé par l'astral et quand c'est intelligent. Quand t'es... C'est même pas nécessaire. Ben, quand tu donnes les j'ai suivi quelques cours que tu as donné, être vivant, être mort. Quand tu es vivant, t'es pas médiocre. Non. Mais c'est difficile de définir la subtilité entre les deux. La ligne, la marge parce est très, très mince. Parce que t'es mort. Ben, tu le sais pas. Ben oui, tu le sais. Pas toujours. Tout le temps. Non. Si tu fais le travail convenablement, tu le sais tout le temps. Non. Et quand tu le sais pas, parle pas de ce cours-là. Ben, tu peux avoir une idée. Tu penses que c'est la bonne. Ben, t'es mort. Ben, là, t'es mort quand tu penses que c'est la bonne. Oui. Mais t'as l'idée, tu as le feeling que c'est bon. T'es mort. Fais-le donc quand faut le faire. Ben, puis là, tu manques ton coup, puis tu dis, ça y est, je me sens encore fait charrier. Parce que t'es un médiocre. Mais pourquoi tu ne fais... C'est quoi se faire charrier? Présentement, je suis en train de déguster des vins. Je vais devenir un dégustateur, une grande gueule de vin. Il n'y a pas une file gueule, les autres. Bon, OK. Alors, une file gueule, je ne sais pas comment on appelle ça, mais les bonhommes, les bonnes femmes qui boivent du vin à journée longue, là, puis qui te disent l'année, puis etc., là. Et puis, moi, je veux devenir ça. Alors, je commence. C'est du vin. J'ai pas pire, quand même. Il y en a qui le font avec du Pepsi. C'est ça. Alors, j'essaie avec une autre bouteille de vin, là, puis je me dis... Pas mal pareil. Il y a de champagne, l'autre c'est un Bordeaux, mais je m'abuse. L'un c'est de la bière, puis l'autre c'est du cognac, mais je m'abuse. Alors c'est autant abandonné, je ne suis pas capable. Non. Dans le début, l'individu doit commencer par s'autoriser à. Il y a un des axiomes du programme être contrôleur qui dit que l'homme doit être son seul maître. Bon, c'est bon. Deuxième axiome, l'homme doit apprendre qu'il peut apprendre. Troisième, l'homme doit apprendre comment apprendre. Mais le médiocrisme te bloque déjà au deuxième axiome. Tu n'as pas appris que tu pouvais. Alors, on t'achète un faux micro-ondes. Tu achètes ça à ta femme achète ça, t'en achètes un. Là, il y a un paquet de pitons en avant. Et que c'est compliqué. Et que c'est niaiseux. Là, tu regardes le livre. Oh, si tu vis ça, putain, un faux conventionnel, là, puis c'est ça. C'est quoi, c'est du médiocrisme. L'individu qui regarde ça, puis immédiatement, il se met à vivre. C'est pas un feeling, c'est pas une question de gustation ou de sentiment. Il oublie tout ça. Il est vivant. Puis il regarde le livre, il regarde les bebelles, puis il est dedans. Il est vivant. C'est pas un être humain médiocre. 2 heures après, il va être médiocre. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il téléphone à son gérant de banque. Là, il est médiocre. Mais devant le four micro-ondes, t'es pas médiocre. C'est même pas une question de se positiviser, c'est une question de se rendre compte que chaque fois que tu te fais charrier, ben, fais-toi charrier, puis vas-y pareil. Mais ça m'est déjà arrivé des expériences semblables devant des appareils, tout ça. Mais moi, je l'ai fait sauter. Fait que c'est pas plus brillant, c'est pas le résultat final. T'es pas médiocre? Je suis pas médiocre, mais je suis dangereux. T'es niaiseux, mais pas médiocre. Très dangereux pour le feu. Mais est-ce qu'on peut considérer que t'es un être humain qui tente jamais rien, qui ne se lance? Ah non. Mais c'est ça. Voilà pourquoi aussi tu travailles avec les appareils. Que t'es fait sauter, ça n'a rien à voir. Si on conçoit des appareils mais trop faibles pour supporter ton énergie... C'est où l'intelligence de faire sauter? De se faire l'intelligence pour l'instant. Ben c'est encore d'être médiocre pareil. Dans le résultat, non. Je veux dire. C'est peut-être pas être médiocre le dans le comportement. Le résultat est médiocre, mais pas l'humain. Faut pas mélanger les deux tout le temps. Je sais, mais... Un imbécile va acheter un billet puis gagne 7 200 000 $. Ah, ça, c'est un être humain. Ça, c'est un gars solide. Ça, c'est mon idole. Qu'est-ce qu'il est assis à l'avant? Ben maintenant, il boit de la bière dans des bouteilles de champagne. Parce qu'il aime pas le champagne, il veut pas que ça paraisse. Bon. Et ah, ça, c'est... Le résultat est bon. Non! C'est un être humain médiocre. Le médiocrisme, on parle d'évolution. Moi, je ne parle pas de réussir à faire une maison, de changer une ampoule quand ça brûle. Le gars, il fait que ça, la fille, il fait que ça. C'est pas ça que je parle. Le médiocrisme, c'est quelque chose qui fait qu'un humain pourrait se développer d'une façon très exponentielle, en éventail. Et chaque être humain ici, ou qui ne sont pas ici, qui écoutent, ont suffisamment de potentiel. La majorité des humains que je rencontre ont une énergie, un feu intérieur qui ne les fait pas vivre, mais qui les consomme lentement. Ils brûlent la vie par les deux bouts. Ça brûle. Tu viens pour, puis en même temps, tu peux pas pour. Bon. Alors, l'être humain, il est médiocre. Ceux qui ne s'en rendent pas compte n'ont juste pas suffisamment d'énergie pour avoir tendance à éclater. Quand je parle d'éclater, je parle de traverser, de devenir un être humain, de se mettre au monde. Alors, ils n'ont pas suffisamment de ce feu, ce qui fait que ça ne rentre pas trop compte. Ceux-là, là, ils font pas sauter les appareils. Ils n'en achètent pas. Bon. Puis les autres qui en achètent, ils font pas sauter. Ils s'en servent à moitié. Puis il y en a quelques autres qui s'en servent à 100% et qui ne font pas sauter. Non, mais ça, c'est de l'efficacité. Oui, sauf que parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'énergie. À un moment donné, ils vont avoir un peu plus d'énergie, ils vont commencer à rayonner. Leur automobile va commencer à avoir des problèmes. Les appareils électroniques vont commencer à avoir des problèmes. Ils ne sont pas suffisamment blindés. Les ordinateurs vont commencer à avoir des problèmes. Et lentement, on va devoir améliorer la technologie parce que l'énergie dégagée par l'humain est trop puissante. Puis l'imbécile, il voit ça, il dit, il n'est pas médiocre, lui. Lui, son ordinateur, il fonctionne. Lui, il est médiocre parce qu'il fait sauter tous les ordinateurs qu'il rencontre. Bon. Par contre, si moi, je ferais sauter les ordinateurs, que quand je passe devant un ordinateur, l'ordinateur écrit « Allô, Daniel », le programme aurait planté. Tu dirais « Wow, hey, ça, c'est pas médiocre ». Pourquoi? Parce que le tien, c'est un écran avec plein de parasites dedans qui apparaît. Moi, c'est des parasites coordonnés. Et moi, ça serait mieux. Mais non, le résultat, il est aussi pas bon dans les deux cas. Le résultat. Mais le résultat, qu'est-ce qu'on a à foutre du résultat? Dans 50 ans, est-ce que c'est ton résultat qui va être important ou toi? Ben, le résultat de ce que je vais être dans 50 ans. De ce que tu vas être? Oui. Ça n'a rien à voir avec le four et le micro-ondes qui te fait sauter. Ah non, mais à la longue, devant ses expériences et ses échecs... Ben, tu t'occupes plus du micro-ondes, ta femme fait cuisine, voilà. Ouais. Facile à dire. On n'est pas mariés avec la même. Ça s'applique dans le concret. Ah oui, la clé de la fête est similaire, puis temps-là... C'est ça. Dans le concret, dans le quotidien, le jour après jour, être productif, c'est important. Bon, la craie, c'est du carbonate de calcium. C'est quelque chose qui se dissout facilement à l'eau. C'est quelque chose qu'on se sert pour écrire et pour enseigner. C'est de la mémoire, la craie. Le con, c'est... celui qui tient la craie? C'est ça. Ça fait du concret. Alors, vouloir réussir dans le concret, ce n'est pas vouloir réussir dans l'intelligence. Ce n'est pas vouloir réussir dans l'utile. C'est vouloir nourrir des stéréotypes astrales, des archétypes. C'est vouloir s'autoriser. C'est vouloir se dire, tant que je suis médiocre, ça va pour pire. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que la vie d'un être humain qui n'est pas médiocre. Par contre, l'individu qui a de l'énergie, l'individu qui est capable de défoncer des barrières fictives psychologiques, l'individu qui est capable de faire cela et qui ne s'autorise pas à faire cela, d'ailleurs, les êtres humains ont toujours été médiocres, donc à un moment donné, l'individu grandit. Là, maintenant, il est prêt pour faire quelque chose de neuf, mais sa tradition, sa mémoire, sa jeunesse, son expérience de vie lui dit qu'il ne peut pas le faire. Cet individu-là, il est médiocre et il va commencer nécessairement à avoir des problèmes. Ces problèmes vont être qu'il ne sera pas capable de communiquer convenablement avec d'autres. Ça va être qu'il aura de la difficulté à maintenir un ajustement au niveau de son emploi. Ça va être peut-être qu'il va perturber les appareils électroniques. Oui, il est mieux que tout le monde. La seule chose qu'il a, c'est qu'il est médiocre. La journée qu'il va se libérer totalement, les appareils ne sauteront plus. Quelqu'un qui est médiocre. Il y en a une couple. Donc, tu es un employé d'une grande société, puis il faut que tu ailles passer une entrevue devant ton patron. Tu as peur avant d'y aller, tu es médiocre. C'est normal. Bon. Tu veux ne pas être médiocre pour le moment de l'entrevue. Est-ce qu'il y a des exercices? T'es déjà médiocre. Ben, mais tu le sais, là, mais tu sais que tu peux aussi ne pas l'être de temps en temps. Est-ce qu'il y a des techniques, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire 15 minutes, une journée, deux semaines avant d'aller passer l'entrevue pour que, au moment où... Un médiocre ne pratiquera jamais deux semaines avant. Il y en a des médiocres qui sont moitié médiocres, moitié pas médiocres. Est-ce qu'ils seraient prêts à travailler deux semaines pour passer une entrevue? Est-ce qu'il y a des techniques ou des pratiques ou une demi-heure avant d'ouvrir la porte? Est-ce que je peux parler, dire des conneries pendant une demi-heure pour me permettre ensuite de rentrer et dire des choses qui ont d'allure? Pour ne pas dire les conneries devant mon boss. Oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas de parler de ce genre de stratégie. Ben, c'est vraiment, il reste médiocre, sauf qu'il joue, qu'il ne l'est pas, il fait le clown, puis là, il... Est-ce que tu es médiocre un jour, puis le lendemain, tu ne l'es plus, ou est-ce qu'il y a une forme de transition? Ben, l'humain est dit médiocre un jour, médiocre toujours. Non, mais ben, admettons médiocre un jour, puis pas médiocre le lendemain. Est-ce que ça se fait, ou est-ce que c'est sur une période de quelques semaines, quelques mois, quelques années? Tu nous dis que l'évolution dure 500 ans. Ben, un peu plus que ça, mais il faut commencer à considérer qu'on va vivre, qu'on va se réincarner, puis qu'il faut qu'au moins qu'on se donne quelques 500 ans pour parvenir à faire certaines petites choses. Parce que l'humain qui a 60 ans, il se dit que ça vaut même plus la peine de rien faire, autant m'en remettre aux vieilles religions qui me disent qu'ils vont me sauver après. Tu sais, quelle plus de chance là. L'ego, il ne te permettra pas demain matin d'être non médiocre d'un coup sec. Exact. D'un coup sec, surtout pas. Bon. Et que ça va prendre du temps. Voilà. Bon. Pendant cette période-là, je répète ma question parce qu'elle est importante. Elle est utile. Je m'ajuste. Tu as quelque chose de très important à faire, une entrevue très importante. Ton ego considère que c'est important. Bon. OK. Que ce soit l'ego qui ça voudra. Si c'est... Mais ça n'a pas dit que c'est important. Est-ce que tu peux, pendant 15 minutes, avant de rentrer dans la salle d'entrevue, aller dans la salle de bain, parler tout seul, dire des conneries pendant 15 minutes pour ensuite être réchauffé, arriver là, puis être capable d'être... Ça dépend à qui est dans la salle de bain. Tu es tout seul. Il y a quelqu'un de trop. Comment tu fais pour pratiquement là, pour devenir non médiocre quand t'en as besoin? La question, elle est là. Est-ce qu'il y a une technique pour devenir instantané? Oui, soit instantané. Bon, est-ce que je peux m'entraîner d'être instantané? Non. Quand tu t'entraînes d'être instantané, ou quand tu es instantané, tu es instantané. Tu peux appeler ça un entraînement, tu peux appeler ça pas un entraînement, mais c'est instantané. L'être humain qui veut ne pas être médiocre doit régulièrement informer son ego, le CAV, le corps, l'astral, le vital et l'ego, que lui va prendre le contrôle. Premièrement, c'est évident qu'on ne parle pas de 15 minutes ou de 2 semaines, mais dans la stratégie pour parvenir à un moment donné à ce que l'ego vous autorise le mental, à travailler librement. L'humain est toujours à son meilleur lorsque les événements sont à leur pire. Pourquoi? Parce que l'ego ayant tenté tout ce qu'il pouvait tenter, vu que ça n'a pas fonctionné, les événements sont rendus à leur pire. Alors là, l'ego, il s'en remet au mental, il n'y a plus le choix. Puis là, l'humain devient très efficace. Mais du moment que c'est redevenu convenable, là, l'ego il dit « Hey, je n'étais pas si pire que ça », puis blablabla, puis on relègue encore le mental aux poubelles. Est-ce qu'il y a une technique? Premièrement, la meilleure chose que l'on doit faire, c'est de commencer à instruire son ego. L'humain aura de la difficulté à faire, mais c'est la solution. C'est la solution. Mais comment le mental fait pour informer l'ego? La solution, t'en veux pas, hein? Non. Comment le mental fait pour informer l'ego si le mental n'est pas capable de s'exprimer parce que l'ego ne le laisse pas parler? Ah, mais le mental, il comprend même pas ce que je dis, fait que de celui-là, on n'en parle pas. Moi, je parle des individus qui comprennent ce que je dis. OK. Bon. Alors, on doit s'arranger pour instruire suffisamment notre ego que si le cave veut continuer à jouer le cave, ben il va jouer le cave, puis ce qui a peur, ben on va y donner. Il a peur de manger de l'huile de foie de morue, il va en avoir à bouteille. Il a peur de paraître imbécile, il va en avoir à bouteille. Il a peur de manquer son coup, il va en avoir à bouteille. Quand il voudra arrêter, il arrêtera. Si l'humain s'autorise à faire ça, l'humain va gagner. L'humain va progressivement et rapidement cesser d'être médiocre. Pour deux raisons. Premièrement, à force d'écœurer l'ego va cesser de venir te prouver que tu n'es pas capable. Parce que quand l'ego, les expressions astrales, tu te mets à transpirer, tu as les mains toutes moites, tu oublies tout ce que tu veux dire, c'est parce que l'ego veut tout faire pour que tu n'y ailles pas. Puis là, quand tu y vas, mais là, l'ego, quand tu sors de là, l'ego te dit, tu vois, hein, ça va être pas capable. Bon. Alors, j'ai tout perdu, j'ai les mains moites, je ne sais même plus ce que je vais dire. Bon, si tu veux jouer à un jeu-là, pas de problème. Bien, on va y aller. Là, tu t'en vas devant ton public à la place des arts, tu viens pour chanter. Puis, tu dis au monde, ben là, j'ai tout oublié mes chansons, là, puis j'ai oublié mes papiers chez nous, puis... j'ai un ego qui est un orifice intéressant. Et voilà. Tu as payé 25$, 45$ en avant, puis 12$ en arrière. Et puis, je ne me rappelle de rien. Quelqu'un qui pourrait me souffler les paroles, là, le public va tout rire, pensant que c'est un mur. Il n'y a pas un imbécile qui va se présenter devant un public comme ça, puis aller leur dire carrément que, tout à l'heure, je te l'ai dit, tu parles simplement. Vas-y directement. Dis la vérité. Oui, mais les gens, ils vont. T'es médiocre. Arrive en avant, là, le cave, c'est parfait. Ça va qu'à un moment donné, là, les chansons, ils vont revenir. Tu vas transpirer en Christi, l'ego va tout faire pour t'amener jusqu'à la limite. Toi, le dépasse là la limite. Tiens, viens-t'en, mon beau. Lui, il ne dépassera pas la limite. Il va venir à un moment donné que j'en peux plus. T'en peux plus, pas de problème. Amène-moi une chanson, là, devant, faut qu'on chante. Ça fait une demi-heure là, que je leur fais, que j'ai fait rire. C'est tant qu'on chante, c'est parce que mon spectacle, c'est pas supposé être humoristique, c'est supposé être la chanson. Et puis lentement, ça va venir. Sauf que les égos vont dire. Ben voyons donc, ben voyons donc, c'est voyons donc. C'est comme si tu penses qu'en allant rencontrer ton patron, en faisant des pitreries devant lui, ça va être mieux. Absolument. Alors, je vais peut-être perdre mon emploi, c'est possible. Mais après deux ou trois pertes d'emploi, là, tu vas voir que ton ego, tu vas être un être humain très puissant. Puis les emplois que tu vas avoir après vont être beaucoup supérieurs à ceux que tu auras perdu. Mais on revient à la même chose. Qu'est-ce qui est important? Vous, dans la vie, ou la vie à travers vous. L'humain devrait considérer que c'est lui qui est important. Alors, l'humain ne s'en va pas, bon, tu vois, je le savais, bon, tu vois, je le savais, bon, tu le disais, non, c'est pas ça pour tout. Là, quand les gens ont tout demandé un remboursement, là, parce que finalement, ton ego, sa limite, c'était 3h30. Le spectacle durait 2h30. Alors, nécessairement, pendant 2h30, tu n'as pas chanté, tu leur as chanté de la pomme. Les gens veulent être remboursés. Alors, les gens sont tous remboursés. Là, ben, c'est ça, toi, les techniques, là, à Kemp, là, c'est ça. Mais non. Je te dis, toi, l'ego, là, c'est ça. Ça te dérangeait pas que je puisse pas chanter, pas de problème. C'est 25 000 piastres que tu n'auras pas de ton compte en banque, par exemple. Il est dans le cas où ça va se coucher. Tu vas voir que ce sera pas long. Puis, à un moment donné, ben, ton ego, non, c'est garanti. Technique garantie. Maintenant, est-ce qu'il y a des humains capables d'appliquer ça? Mais technique est garantie. C'est-à-dire que si tu es devant le patron demain matin, puis le patron, il te pose une question, tu es embarrassé, tu es mieux de dire, je suis embarrassé. Je suis totalement embarrassé, je transpire assez, j'ai même pas dormi cette nuit. Je sais que c'est stupide, mais il y a des grandes parties de moi qui sont totalement stupides. Celles qui viennent vous rencontrer, c'est celles qui ne sont pas stupides, mais possiblement que la main va trembler, il va se passer quelque chose, parce que les parties stupides, je peux réussir à les mettre dans le vestiaire. Bien, le patron va déjà s'amuser. C'est le mental qui parle, puis il vient d'instruire le cave en dedans. Puis je reste là, mon ami, vas-y pareil. Puis si le patron ne comprend rien. Rien à voir. Mais ça dépend des patrons. Il y a des grosses chances que si tu commences à dire que l'ego n'a pas compris, puis... C'est pas l'ego. J'ai des parties chez moi que, ah non, le bonhomme va comprendre avec, c'est immédiat. Il sait de quoi tu parles. Il y a déjà eu un patron, il s'en rappelle. Mais non, c'est pas... Il y a peut-être une femme. Je... L'ego, à ce moment-là, il se médiocrise, lui. Puis c'est l'ego qui est médiocre. Là, l'ego... il se médiocrise davantage dans cette non, technique-là. Non, le mental vient servir les plats que l'ego veut te servir, toi, le mental. L'ego veut te servir du vinaigre. Toi, tu dis, tu veux qu'on mange du vinaigre? Tu veux m'achaler avec du vinaigre? Pas de problème. Viens-t'en, va en manger du vinaigre. Fait que l'ego, lui, est capable d'en supporter une certaine partie de vinaigre, parce que dans sa constitution, il y a des parties qui s'en nourrissent. Mais c'est pas la majorité de l'ego qui nourrit du vinaigre. Le reste en a peur. Alors, au nom du fait qu'ils ont peur, ils vont autoriser le vinaigre à sortir pour convaincre toute la mécanique au complet de ne pas te pointer là, de rester médiocre. Il faut que tu écœures l'ego. Eh oui. Il faut que tu écœures l'ego. Là, ça fonctionne. Quand tu as réussi à faire ça, tu n'es pas médiocre. Mais non, quand tu as réussi à faire ça, tu n'es plus médiocre. Pas, tu n'es pas médiocre. Mais il ne fallait pas que tu le sois pour réussir à le faire. Tu te scindes en deux. Tu as la partie astrale qui reste médiocre et qui le restera toujours. Jusqu'à temps qu'elle s'en remette au mental, elle restera médiocre, mais là, c'est votre mental qui va s'exprimer et qui va devenir efficace. Mais pour que cela se fasse, par la technique, c'est sûr que tu peux aller dans la toilette, parce que c'est l'endroit de prédilection, j'imagine, pour remonter le moral des individus. Tu peux prendre des respirations. En prenant des respirations contrôlées, nécessairement, ça va annihiler les possibilités que l'ego s'exprime par le système endocrinien, ce qui élimine déjà une partie de l'expression astrale dans le corps physique, mais ça ne te rend pas non médiocre. Ça va, sur le moment, te donner des chances dans l'efficacité d'un événement. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse là. Ce n'est pas que tu sois efficace dans l'événement, c'est pas un cours de vendeur, c'est pas... Non, c'est un cours d'humain. Un jour, tu auras à vendre ton âme à Dieu. Tu parles de vendeur, alors c'est ça qui m'intéresse. Pas vendre une balayeuse, vendre... Non, mais il reste que dans les... C'est pas non, c'est oui. Dans les techniques d'ajustement de la parole ou d'autres techniques, il y a un moment où faut que tu parles pendant une ou deux minutes pour faire passer l'eau froide, comme tu dis. Bon, plus qu'une ou deux minutes, mais... faut que tu parles pour faire passer l'eau froide. Faire passer les périodes de bégaiement ou de non-confort quand tu commences à... Veux-tu que je donne un exemple à tout le monde, ce que c'est que le médiocrisme? Oui. Veux-tu être le cobaye? Oui, falloir, après. Bon. Si... vous faites l'exercice avec n'importe qui, vous allez vous rendre compte à quel point l'ego est imbécile et comment l'être humain est médiocre. Bon. Avec Charles, je ne sais pas jusqu'à quel point son ego va autoriser son mental à traverser. Alors, il risque de ne pas être médiocre, le salaud. Vous ferez l'exercice, vous allez voir, c'est extrêmement banal comme exercice. Très, très, très banal, c'est idiot comme exercice. Un être humain qui n'est pas médiocre est capable de s'autoriser à dire n'importe quoi. Bon. Si je vous dis, moi, vous devez me répondre au maximum aux additions que je vais vous poser, mais quand vous ne connaissez pas la réponse, ben répondez un chiffre. C'est un exemple extrêmement banal. Et je ne veux pas que vous preniez le temps de réfléchir. C'est vos mémoires d'intervention qui doivent sortir. Je te donne un exemple, je pourrais le faire avec le public ici, et ça va fonctionner à merveille. Avec toi, ça peut fonctionner un peu moins. Bon, alors il va. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. 8 plus 8. 16. 16 plus 1. 17. T'es mort. J'ai arrêté. Voilà. Pourquoi? Parce que là, la mémoire d'intervention y allait, puis tout ce qu'il a à faire, c'est de dire n'importe quoi. On l'autorise, on le permet, ton ego, je ne chicanerai pas. Alors, 16 plus 1, 17. Tu réussis, tu as perdu. Oui, l'ego, tu es content. Non, non, il ne fallait pas dire les bons chiffres. Il fallait y aller, je knock. Ici, on va appeler ça cruche. C'est un parallèle. Ouais. Cruche. Vers micro. Vers la cruche, oui. Voilà. Vers la cruche, comme ça. Non, vers la micro-cruche. Je suis médiocre, comment c'est? Vers la micro-cruche, c'est une cruche. Bon, vers cruche, puis ça, c'est? Micro. Voilà. Alors, c'est un exercice que vous pouvez tenter, qui est extrêmement facile. Vous pointez un objet, et l'individu à côté doit simplement nommer l'objet. Et il doit vous suivre au rythme que vous allez. Et si, à un moment donné, il se perd à travers ce que vous dites, eh bien, il doit s'arranger pour retrouver le rythme à un moment donné, mais il ne doit pas arrêter ce qu'il dit. Alors, par exemple, je dis cruche vers micro, cruche vers micro, cruche vers micro, cruche vers micro, cruche vers micro, cruche vers micro. Alors, à un moment donné, je découvre que je me trompe. Je laisse sortir les mots qui veulent sortir parce qu'on a convenu que ce n'était pas grave. Et j'essaie de retrouver à un moment donné le rythme que tu as pris. Autorisez-vous, autrement dit, à dire n'importe quoi. Et comme je le dis souvent, l'être humain qui va avoir un contact supramental, s'il ne s'autorise pas à dire n'importe quoi, il n'autorisera jamais son canal d'eau froide à se vider. Parce qu'il voudra toujours dire des choses intéressantes. Alors, on va faire un essai. Cruche. vers micro. Cruche vers micro, cruche vers micro. Voilà, c'est vite quand même, sinon micro, des goules t'en réfléchir. Cruche vers micro, cruche vers micro, cruche vers micro, cruche vers micro, cruche vers micro, cruche vers micro. Bon. C'est, oui, c'est bien. Dans son cas, c'est bien. Vous allez voir que la majorité des individus, ils vont dire cruau, micriche, cru, gros, c'est bon. À un moment donné, c'est très intéressant. Tu souriais un peu à un moment donné. Ça, c'est le médiocrisme de l'ego qui transparaît comme... c'est niaiseux, il n'y arrivera pas. Enfin, il y a un petit sourire amusant qui sort, qui est une partie du médiocrisme. Parce que tu continues à dire les choses sans trop te perturber malgré que ton ego se trompe, c'est une preuve de réchauffement. C'est évident qu'à force de jaser, on se réchauffe. Faites l'exercice avec n'importe qui, on doit aller assez vite. C'est évident que ça, il va comme ça. Cruche. Va. Micro. Cruche. Micro. Ça ne fonctionne pas. Alors, on y va comme ça. Et l'individu, l'ego, va dire, oui, mais crée ma vitesse, tu vois, c'est évident. On le sait que c'est évident que... Charles, pourquoi? Parce que t'es médiocre. Autorise-toi à dire n'importe quoi. C'est facile. Et l'ego est toujours frustré d'avoir tort. Bon, ma vitesse que tu vas... Je m'en fous la vitesse que je vais. Fais l'exercice, puis tu te fous de te tromper et tu essaies de ne pas te tromper. Cinq. Et tu vas aller voir que... Faites ça avec des individus qui ne se conscientisent pas trop, vous allez voir que ça ne fonctionnera pas. Frustration sur frustration, ils vont trouver ça totalement imbécile, idiot, ça ne sert à rien. Bon. Les individus sont médiocres à un point tel qu'ils ne se risquent pas de tenter une guérison. C'est ce que je te dis. C'est que tu vis quelque chose, puis tu dois simplement foncer. Puis des exercices comme ça, ça permet à l'ego de... Non, ça permet de se tromper. Non, ça permet au mental de comprendre qu'effectivement, il y a un gros problème chez lui. Alors, la journée que tu dis, je vais rencontrer quelqu'un, ou je vais faire ceci, je vais faire cela, tu viens pour t'endormir le soir, puis déjà deux heures avant, tu sais très bien que tu t'ennuieras pas cette nuit, parce que l'astral va te charrier, là. Ben, c'est ça le médiocrisme. Au lieu de faire ce que tu as à faire, comme je le dis souvent, il y en a qui perdent tout leur samedi à haïr le dimanche, parce que le dimanche, je ne plaque. Alors, ils ne vont pas voir un film samedi. Alors, il y a dimanche, c'est plate. Alors, ils n'iront pas visiter quelqu'un samedi. Il y a dimanche, c'est plate. Fait que samedi, ils font rien, mais c'est pas plate. Et dimanche, ils font rien, c'est plate en maudit. Le médiocrisme de la vie de l'humain est toujours basé là-dessus, une forme de tradition. L'être humain qui fait un exercice comme ça ici, va juste pour qu'on comprenne le principe, et ça vous l'essayerez, vous allez voir, ça marche à 100%. Vous vous autorisez à vous tromper, mais votre ego ne vous autorisera pas, lui. Il ne s'autorisera pas à se tromper. Mentalement, vous allez dire, c'est pas grave, et vous allez voir comment, dedans, ça va... Non, l'ego, pour lui, c'est grave. Et c'est ce qui crée le problème, c'est que mieux vous fonctionnez avec notre mémoire, dans ce que l'on connaît, pour avoir un semblant de résultat, que de se risquer avec autre chose que notre mémoire, dans possiblement quelque chose de neuf, et là, de risquer de se casser la gueule. Souvent, je pose des questions, bon, avec l'exercice des mathématiques, 2 plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 5, puis là, ça plante immédiatement, alors que tu aurais dû dire ce qui venait. 2 plus 2, 4, plus 2, 6, plus 2, 8, plus 5, 6, 15... Ça, ça ne dérangeait pas trop. Mais le 15 est déjà une problématique. C'est moins qu'une réponse. Je ne l'avais pas dit. Bon, on recommence. Mais l'individu va arriver. 10, voilà. L'ego ne l'a pas autorisé à se tromper. Ne pas être capable de s'autoriser à se tromper, c'est du médiocrisme total. C'est un complexe de réussite. Si on peut s'autoriser à se tromper, on a un gros avantage parce que tout ce qui est neuf chez nous, qu'on n'a pas encore utilisé, donc qui ne sert pas, qu'on ne contrôle pas encore, et c'est pourquoi tu vas prendre, c'est pas le bon verre, mais commence par t'en servir. Et quand tu t'en seras servi suffisamment, tu vas regarder tous les verres, et puis tu vas prendre le verre qui n'est pas collé, parce que c'est plus facile. Mais il faut que tu commences par commencer. L'ego doit apprendre qu'il peut apprendre, mais apprendre quelque chose de neuf, et apprendre de lui-même. Fondamentalement, l'homme doit être son seul maître, donc le seul enseignant, son maître. Ensuite, l'homme doit apprendre qu'il peut apprendre du maître, de lui. Maintenant que ça c'est convaincu, l'homme doit apprendre comment apprendre. Et je le dis comment apprendre, essaye. Et ne considère pas que l'échec extérieur est un échec intérieur. Alors, c'est ce que tu me disais. Oui, mais tu sais, c'est médiocre comme résultat, donc le gars est médiocre. Si ici c'est réussi, le gars n'est pas médiocre. C'est pourri. C'est la vie qu'on doit vivre. On est là pour faire quelque chose d'autre. Ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont là, c'est pas un problème. Une chose certaine, ils sont là. Et tant qu'à être là, on améliore. Un jour, on saura ce qu'on aura à faire. Tant que l'humain reste confiné dans le médiocrisme. Je fais encore référence aux propriétaires de la chaîne de restaurants McDonald's qui ont un empire colossal et quand un journaliste interviewe leur mère, elle leur demande « Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour vos enfants qui ont parti de McDonald's? »« Ah, il m'inquiète, j'aimerais mieux qu'il y ait un job stédé. » C'est ça le médiocrisme. Elle a raison dans tout ce qu'elle voudra avoir raison, mais c'est du médiocrisme. L'individu qui se conscientise a accès à une force phénoménale. Il a accès à devenir aristocrate, il a accès à immortaliser sa conscience lucide, donc à échapper de la mécanique réincarnationnelle. Il a accès à d'autres choses que ça ne vaut même pas la peine de parler parce que l'ego n'est même pas capable de le prendre. Et il est médiocre, donc il ne s'autorise à rien. Ne s'autorisant à rien, nécessairement, il n'exploite pas. Il aura besoin de 20, de 30, de 40 ans. Quand les personnes me disent « Oui, mais M. Kim, on dirait que vous avez vécu. » C'est ce que j'ai fait, moi. J'ai vécu 300 ou 400 vies en dedans de quelques dizaines d'années. Uniquement parce que mon ego m'autorise à risquer. Je me risque. Je me suis cassé la gueule? Jamais. Mon ego? Souvent. Mais ça, c'est son travail. Il n'y a pas de problème. Il aime se casser la gueule. Il se refait une anatomie. On le fait. On va y revenir, mais le médiocrisme, c'est une maladie dangereuse. Quand je parle de maladie, c'est vraiment une maladie. Parce que tout ce que vous pourriez être, je ne parle pas de ce que vous pourriez faire, on s'en fout. Ce que vous pourriez être n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on est continuellement ce qu'on était. Alors, on a des nouvelles informations, on va acquérir de nouvelles formes d'énergie, et puis on reste toujours dans son petit cocon.